Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, c'est bien le calendrier, des esclavages et des libérations. Alors, au programme ce soir, eh bien les autoroutes, les cinq pires arnaques de ce, voilà, les autoroutes, l'arnaque, les privatisations. Hein. Ensuite, Caroline Fiat, urgence en grève. La France insoumise au Parlement, Bénédicte Taurine. Le média rugit. Monsieur en pince pour le homard, France de Rugy, en pince pour le homard, paraît-il. On va voir. Je viens d'apprendre par une autre radio que France de Rugy venait de démissionner. Bon, je ne savais pas quand j'ai préparé cet enregistrement. Bon, Manuel Bompard au Parlement européen nous explique ce qui se passe au Parlement européen et ce qui risque de se passer et ce qui risque de ne pas se passer, parce qu'en fait les députés européens qu'on a élus, bah ils n'ont pas tellement de pouvoir. Hein. Non, les choses sont arrangées autrement. Ouais. Bon. Mélenchon, convention France insoumise, discours de la deuxième partie. Ensuite, classique, Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, ensuite Radio Plus, Mandoline de Remiremont, hein, Coluche, Le Chômeur, Caméra Cachée, Jean-Yann, vendeur de bijoux. Ah oui, Jean-Yann, vendeur de bijoux, ah, ça vaut le coup. Bah, il faut un peu d'humour aussi, parce que de temps en temps, pour supporter tout le reste, Fernand Reynaud, Les Croissants, hein, bon, toute ressemblance avec tel ou tel personnage, bon, c'est de l'humour. Interview du P. Alpha Condé, lancement de barrage vers le premier référendum, vers un référendum, Total est candidat pour exploiter les barrages, et le média 14 juillet, Manon Aubry et Madame van der Leyen, hein, Ursula van der Leyen, qui sera peut-être présidente de la Commission de, européenne, sans qu'on ait voté pour elle ou contre elle, hein. Ben oui, ça se passe, c'est pas nous qui décidons. Voilà. Ah, ben oui, nous, on vote pour désigner quelques députés qui ensuite n'ont pas grand pouvoir, hein. On se paye notre tête d'une certaine manière. Voilà. Et puis, ben, ma foi, si vous avez été très sage, eh bien, une petite revue de presse, hein. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Des esclavages et des libérations. Le 22 juillet. Le 22 juillet 1524, en Allemagne, Thomas Müntzer écrit au prince, au pluriel au prince, « Votre puissance touche à sa fin. Bientôt, elle va être donnée au petit peuple. » Fermons les guillemets. Hein, c'est Thomas Müntzer qui a parlé, et pas Madame van der Leyen. Bon, et c'était en 1524. En 1524, vous vous rendez compte, ils étaient drôlement en avance, Thomas Müntzer et ses compagnons. Drôlement en avance. Nous sommes en 2014 et voilà, 4 siècles plus tard, et le tango argentin, ben, ça avance un peu en avant, deux pas en arrière. 1863, Grande-Bretagne, sur invitation des syndicats londoniens, 5 délégués ouvriers parisiens, 2 bronziers, 2 mécaniciens et 1 chemisier se rendent à Londres pour une manifestation en faveur de la Pologne. C'est avec eux que sont jetées les bases de la future internationale, avec un I majuscule à international. 1901, Grande-Bretagne. Taf Val Judgment. Les syndicats sont déclarés pécuniairement responsables des dommages causés aux employeurs pour fait de grève. 1908, sans commentaire ça, hein, bien sûr. 1908, Grande-Bretagne à Hyde Park. Rassemblement de 250 000 personnes convoquées par le WSPU, Women's Social and Political Union, sous la direction de Emmeline Pankhurst et de sa fille. Cette réunion fait partie de la stratégie du mouvement féministe en vue d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Une réunion sans violence et sans résultat. 1916, USA, à San Francisco. Une bombe anarchiste explose sur le parcours du défilé organisé pour soutenir l'entrée en guerre des USA. Cette explosion est suivie d'une véritable chasse aux sorcières dont les ouvriers révolutionnaires et les anarchistes sont les premières victimes. 1932, Italie. À Rome, mort de Malatesta, militant et dirigeant anarchiste, critiqué par ses compagnons, persécuté par la police et rongé par la maladie. Une époque de l'anarchisme s'achève. 1942, Pologne. Début de la déportation des 310 000 juifs sur 400 000 du ghetto de Varsovie vers le camp de concentration de Treblinka. 1970, Espagne. Suite aux affrontements de la veille, la grève s'étend à toute la province. 1977, Chine. La veuve de Mao Tse-tung et trois de ses collaborateurs sont exclus du Parti communiste. Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parler du pillage et de l'immense arnaque des autoroutes. Alors on va laisser de côté l'augmentation des tarifs qui fait que quasiment plus personne prend l'autoroute tellement c'est cher. C'est pas de ça dont on va parler du pillage pillage organisé qu'était la privatisation des autoroutes. Parce que les autoroutes, c'était un truc qui nous appartenait à nous tous. C'est des gros investissements qu'on a fait, l'État, machin, on a fait des belles routes, tout ça, et on récoltait de la thune au péage. Et cette thune, c'est colossal, hein. Ça coûte très cher, mais ça rapporte encore plus. C'est un des business les meilleurs possibles pour un État. Et toute cette thune, nous, on pouvait en faire des trucs bien. L'État, il pouvait le mettre dans où il voulait, hein, mais il pouvait faire des trucs pour l'écologie, gérer la pollution, faire des hôpitaux, des écoles, ce qu'il voulait. Et ce qu'a fait 2001 en 2006, c'est qu'il l'a vendu, tous ces bénéfices-là, de toutes ces belles autoroutes, tout cet argent qui rentrait tous les ans, il l'a vendu à des géants du BTP, notamment Vinci et Eiffage. Alors ce qu'il leur a fait, c'est que pour contre 15 milliards d'euros, il leur a vendu 25 ans, où pendant 25 ans, ils pouvaient récolter toutes les recettes des péages en échange des investissements. Alors comme ça, vous pouvez vous dire que 15 milliards, c'est ouf, mais non. Parce que en seulement 10 ans, les actionnaires qui ont acheté tous les autoroutes de toutes les barrières de toute la France entière, les actionnaires se sont déjà reversés 15 milliards de dividendes. Donc c'est même pas la thune que fait l'entreprise, c'est même pas les résultats de la boîte, c'est sur les résultats de la boîte la part qui revient direct dans la poche des actionnaires. Donc De Villepin, il a réussi un super deal, il a vendu un des trucs qui nous rapportait le plus à nous tous, avec lequel on pouvait faire des budgets, on pouvait l'utiliser dans les budgets d'école, de pollution, de tout ce que vous voulez. Il l'a vendu à des géants privés du BTP qui en seulement 10 ans se sont sucrés. C'est-à-dire qu'il leur reste 15 ans où tout ce qui rentre, tout ce qui passe, c'est pour eux. Ça, c'était la première arnaque des autoroutes, mais vous verrez, ça s'arrête pas et il y a plein de trucs bien plus drôles. Bah là, c'était la première arnaque, mais vous êtes pas au bout de votre peine, hein. Dans cette escroquerie en bande organisée, c'est pire à tous les étages. Donc on continue. Donc on peut se dire que si l'État leur donne un des business les plus rentables qu'il avait, c'est-à-dire les barrières de péage et le cash qui rentre, c'est que au moins les sociétés privées, elles doivent payer les coûts, quoi, payer l'entretien, les investissements. Et ben là, le premier truc à savoir, c'est qu'ils payent même pas tous les investissements. Parce que quand on fait un gros plan avec la France, on leur dit, ouais, là, il nous faut un autoroute ici, un échangeur là, tout ça. Ben, les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements qui vont bientôt mourir et certaines communes, elles doivent aussi raquer pour les autoroutes. Donc pour le moment, là, on voit déjà que dans les investissements, le BTP paye pas tout. Il y a une partie qui revient du public alors qu'on leur a vendu. Bah, il y a de l'argent public qui continue à financer un peu de l'investissement alors qu'on touche plus rien, mais vous allez vous dire, eh, c'est cool, heureusement, c'est les sociétés privées autoroutières qui vont payer le reste. Mais là, accrochez-vous, c'est la troisième arnaque. Parce que comment ils font pour financer ces investissements? Ils font un peu comme tout le monde, ils font des gros emprunts. Et les emprunts, si vous avez déjà fait un crédit, vous savez que le prix de l'emprunt, c'est le taux d'intérêt. Et là, devinez qui paye le taux d'intérêt? Eh ben, c'est nous. Il y a une niche fiscale exprès faite pour qui fait que l'État leur enlève le taux d'intérêt et le paye pour sa pomme. Et ça, c'est combien? C'est 3,4 milliards. Donc, on commence à bien se faire enfiler dans cette affaire. Là, on a vendu un des trucs les plus profitables de l'État, qui pouvait rapporter de la thune pour faire plein de trucs bien. On le vend au privé et on continue d'assumer la plupart des coûts. C'est là où on en est. Vous croyez que c'est fini? Mais non, il y a la quatrième arnaque. La quatrième arnaque, c'est, rappelez-vous, à qui ça a été vendu? Ça a été vendu à des grandes sociétés du bâtiment et de la construction comme Vinci et Eiffage. Et devinez qui fait les travaux? Eh ben, évidemment, c'est eux. C'est-à-dire que c'est Vinci qui, sur les tronçons d'autoroute qu'elle gère, attribue aux sociétés de Vinci la réalisation de ces travaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que dès qu'ils font des travaux, ils le font par un emprunt, et l'emprunt, c'est en partie tous les intérêts, c'est pour notre poire, et il y a un peu d'argent des collectivités locales. Et Vinci, à qui elle attribue ces travaux qui sont financés par nous? À une entreprise de Vinci. Bon, quand même, là, je sais pas, si vous voulez un pillage autoroutier, on peut en réfléchir longtemps, mais ils ont l'air très forts, ces brigands, là. S'il y a des brigands, faut forcément quelqu'un qui se fait plumer. Alors, vous avez déjà compris qu'en tant que citoyen, on se fait bien siphonner le bien public, ça y a pas de problème, mais il y a la cinquième arnaque, elle était facile à trouver, c'est celle qui nous plume en tant que consommateur. Parce que le deal initial de vente des sociétés autoroutières à des sociétés privées, eh ben, le deal prévoyait qu'il n'y ait pas trop d'augmentation de prix pour pas qu'ils puissent se surgaver. Mais évidemment, pour ceux qui ont l'habitude des autoroutes, vous avez vu que ça a grimpé. Ça a pris 22% en 10 ans, au point que la Cour des comptes, dans plusieurs rapports, arrête pas de pointer qu'ils augmentent beaucoup plus les prix que ce qui est prévu et que l'État se couche comme une merde. Donc là, je pense qu'on a un tableau bien complet pour comprendre ce que c'est l'escroquerie des autoroutes. Vous devez vous dire, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve, mais malheureusement non, parce que tous les chiffres qu'on a cités, ça vient de rapports officiels, de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence et de plein de trucs officiels, allez voir les sources, tout est là. Donc là, à la fin de tout ce tableau dégueulasse, la seule question qui se pose, c'est comment même les politiciens les plus véreux ont pu faire ça, hein. Moi je me la pose parce que même au Liban, ils auraient peut-être pas osé, l'arnaque elle est trop grosse. Alors pour nous, il y a deux options. ou c'est des fanatiques de la privatisation. Ils veulent tout privatiser, tout le temps, même quand c'est le truc qui rapporte le plus à l'État et qu'on se fait du fric, faut vendre. Ou c'est ça, ou ils ont voulu arranger leur poteau. Hein. Parce que quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière ces arrangements, on trouve les deux plus grosses sociétés de BTP avec qui il y a des magouilles dans tous les partis, au niveau local, à tous les niveaux. On trouve un ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, on trouve le fils de Michel Rocard, on trouve Alain Minc, le mec qui a des billes partout et qui a conseillé Sarkozy. Donc pour nous, que ce soit du fanatisme ou de l'arrangement entre copains, c'est de la haute trahison. On peut pas vendre un truc qui rapporte autant à des boîtes qui font autant de flouze dans des conditions aussi dégueulasses. C'est tellement dégueulasse qu'on peut faire des recours au Conseil d'État. On peut dénoncer ces deals comme non conformes à l'intérêt général et les renationaliser sans rien leur payer, sans dédommagement. Et c'est le moins qu'on puisse exiger vu comme ils ont abusé. Ce genre de truc là, ces dizaines de milliards d'euros détournés, ça marche que parce qu'ils nous prennent pour des cons et parce qu'on n'est pas au courant. Donc faut faire tourner le message, faire tourner cette vidéo, qu'on soit tous vraiment bien au fait, les yeux bien ouverts sur cette merde là, parce que là dans 6 mois ils vont commencer à promettre pour quémander nos voix, et là faudra leur sortir à la gueule. Qu'est-ce que vous allez faire sur les autoroutes? Est-ce qu'on renationalise ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Vous augmentez les impôts ou vous allez le prendre là où vous l'avez donné à ces grands patrons? Donc là, faites tourner le message, qu'on ouvre grand les yeux et qu'on arrête cette connerie. Madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, urgence du CHU Nantes en grève, urgence du CHRU Brest en grève, urgence de Rennes en grève, urgence de Lannion en grève, urgence de Caen en grève, urgence de Carré en grève, urgence de Brive-la-Gaillarde en grève, les deux services d'urgence de Tours en grève. Urgence d'Angers en grève, les deux services d'urgence du centre hospitalier Saint-Nazaire en grève, urgence de Bayonne en grève, les deux services d'urgence de Bordeaux en grève. Et ça, je vois que ça vous agace, ça risque d'être un peu long, parce que vu le bazar que vous avez mis, mais bon. Urgence de Lons-le-Saunier en grève, les trois services d'urgence de Lyon sont en grève, les urgences de Montceau-les-Mines en grève, urgence de Chalon-sur-Saône en grève, urgence de Besançon aussi est en grève, urgence de Vesoul, urgence de Bourges, urgence de Vienne en grève, urgence de Mantes-la-Jolie en grève, urgence de Creil en grève, urgence de Dieppe en grève, urgence de Lisieux en grève, urgence de Beauvais en grève, urgence de Rouen en grève, urgence d'Annecy en grève, les 23 services d'urgence de Paris aussi sont en grève, urgence de Strasbourg en grève, urgence de Mulhouse en grève, urgence d'Aix-en-Provence en grève, urgence de Marseille en grève, urgence de Château-Gontier en grève, urgence d'Auxerre en grève, urgence du Creusot en grève, urgence de Mâconde en grève, urgence d'Arles, urgence de Pithiviers, urgence du Mans en grève, urgence d'Autun en grève, urgence de en grève, urgence de Chinon en grève, urgence de Chambéry en grève, urgence d'Avignon en grève, urgence de Chevisy-sur-Orge en grève, urgence de Longjumeau en grève, urgence d'Orsay en grève, urgence de Semur en Auxois en grève, il y en a encore, hein. Urgence de Libourne en grève, urgence d'Agen en grève, urgence de Bourgoin-Jallieu en grève, urgence de Paray-le-Monial en grève, urgence de Toulouse en grève, urgence de Fréjus en grève, urgence de Montauban, d'Essonne, de Morlaix, de Vannes en grève, urgence de l'hôpital Rangueil en grève, urgence de Nancy en grève, urgence d'Alençon en grève, urgence de Moissac en grève, urgence de Laval, de Pau, de Maubeuge, de Feurs sont aussi en grève, urgence de Loron-Sainte-Marie en grève, urgence de Montbrison en grève, urgence de Marmande en grève, urgence de Saint-Étienne en grève, urgence de Saint-Pierre en grève, urgence de Melun en grève, urgence de Sainte-Foy-la-Gérande en grève, urgence de Toulon, urgence de Cannes, urgence d'Épinal en grève, urgence de Digne-les-Bains en grève, urgence de Saint-Denis, du Puy-en-Velay, de Voiron, de Martigues sont en grève, urgence de Bergerac, de Soissons, de Reims en grève, urgence de Bagnols-sur-Cèze en grève, urgence de Langon en grève, urgence d'Orléans en grève, urgence de Pont de Bonvoisin en grève, urgence de Quimper en grève, urgence de Fougères, de Concarneau, de Roubaix en grève, urgence de Périgueux en grève, urgence de Carpentras en grève, urgence de l'hôpital public de Neuilly en grève, urgence d'Aubonne en grève, urgence de Remiremont en grève, urgence de Sens en grève, urgence de Cherbourg-Octeville, de Niort, de Grasse, de Séclin, d'Annonay sont en grève, les urgences de Rochefort, de Pointe-à-Pitre, de Loches sont en grève, urgences d'Amboise, de Contamine-sur-Arve sont en grève, les urgences de Saumur, de Lourdes, de Grenoble, de Saint-Tropez sont en grève, urgences de Trévenans en grève, urgences de Firminy en grève, urgences de Cavaillon en grève, urgences de Tulle en grève, urgences de Rodez en grève, les deux services d'urgence de Criquebeuf-Côte-Fleury sont en grève, urgences de Provins en grève, urgence de Thonon-les-Bains en grève, urgence de Perpignan et de Compiègne en grève, urgence de Dunkerque en grève, urgence d'Orange en grève, urgence d'Orthez en grève, urgence de Châteauroux en grève, urgence du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège sont en grève, urgence de Nevers, de Joigny, de Gonesse en grève, les urgences de Toul en grève, les urgences de Suresnes en grève, les urgences de Villefranche-sur-Saône en grève, les urgences de Cholet en grève, les urgences de Pertuis en grève, les urgences de Flers en grève, les urgences de Brioude, d'Avallon en grève, les urgences de Saint-Dié-des-Vosges en grève, urgences de Mont-de-Marsan, Saint-Gaudens, Tonnerre en grève, les urgences de Meaux en grève, les urgences de Clermont-Ferrand en grève, les urgences du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège en grève, les urgences de Lille CHU sont en grève, les urgences de Sarrebourg en grève, les urgences de Jonzac en grève, de Jossigny en grève, les urgences de Coutances en grève, les urgences de l'hôpital Bel Air CHR Mestillonville en grève, les urgences d'Arras en grève, les urgences de Sisteron en grève, les urgences de Chauny en grève. Bref, c'est un joli mot. Depuis plusieurs semaines, une marée blanche se soulève dans toute la France. Je viens de vous citer les 180 services d'urgence en grève hier à minuit. Peut-être sont-ils plus aujourd'hui. Et de SMUR qui sont en grève sur tout le territoire, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Je vous ai épargné, comme quoi, en ne citant que les services d'urgence et pas tous les services hospitaliers en grève, les 15 minutes n'auraient pas suffi. Contre la casse du service public hospitalier, ils clament haut et fort. On en a ras la seringue, on n'est pas des robots. Urgence saturée, patients en danger. Votre projet de loi aggravera la situation, ne répond en rien à leurs revendications. C'est pourquoi notre groupe La France Insoumise soutient cette motion de rejet. La parole est à Madame Bénédicte Taurine. Je vous remercie. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis 18 mois, professeurs, parents et élèves sont mobilisés face à votre contre-réforme du bac. Depuis 18 mois, dans le respect des procédures, les syndicats et les instances comme le Conseil supérieur de l'éducation se sont prononcés contre votre réforme du bac. Vous répétez à souhait que votre porte est ouverte, vous démontrez tout le contraire. Nous-mêmes, parlementaires, n'avons pas eu l'occasion d'en discuter. C'est en conséquence, et en conséquence seulement, que des professeurs ont choisi d'exercer leur droit constitutionnel à la grève pendant les épreuves du baccalauréat. Rappelons que ces professeurs ne se battent nullement pour eux-mêmes, mais pour l'intérêt général, car votre contre-réforme, en créant un lien, et en lieu et place d'un examen national, une multitude de bacs locaux, est en rupture avec l'égalité républicaine. Évidemment, personne ne peut se satisfaire d'une rétention de notes d'un examen. Pas même les professeurs grévistes, qui, faut-il le rappeler, ont préparé avec soin leurs élèves à cet examen. C'est votre jusqu'au boutisme qui les a poussés à agir de la sorte. Dans le pire des cas, leur action aurait décalé d'un ou deux jours l'annonce des résultats. Mais au lieu d'ouvrir le dialogue, vous avez foncé tête baissée et vous avez commis une lourde faute politique en donnant des consignes absurdes au sein de votre ministère. Depuis 3 jours, les témoignages affluent de professeurs, de membres de jury grévistes et non grévistes, de proviseurs atterrés par les consignes qu'ils ont reçues. Avec votre action, il n'y a donc certes pas eu de retard dans l'annonce des résultats, mais quels résultats avec le bricolage que vous avez orchestré? Est-ce bien de la République française dont on parle ou est-ce d'une République bananière dont il est question? Monsieur le ministre, la rétention de quelques copies ne saurait être qualifiée de prise d'otage, comme l'a fait remarquer un enseignant gréviste rescapé des attentats du Bataclan. Cette comparaison est indécente. Monsieur le ministre, sur quel fondement juridique vous êtes-vous basé pour assumer de telles décisions en rupture complète avec les valeurs républicaines défendues par les professeurs grévistes? Merci, Madame la députée. Les soupers fins de François de Rugy, il annonce de nouvelles taxes qui devraient profiter à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le sommaire du numéro 41 du Petit Coup de Bourbon. Les homards de François de Rugy auront-ils le même effet sur l'avenir politique du ministre de l'écologie que les costumes de François Fillon en ont eu sur le destin de l'ancien champion de la droite? La question est posée depuis les révélations de Mediapart sur certains dîners que l'ancien président de l'Assemblée nationale a donné à l'hôtel de Lassé entre octobre 2017 et juin 2018. À l'évidence, malgré ses convictions écologistes, l'intéressé ne se contentait pas de 3 radis et 2 cuillères de riz complet pour souper. Halte là, il ne s'agissait pas d'une bonne bouffe entre amis aux frais de la princesse, pardon, de la République, se défend le ministre. C'était le boulot. J'assume totalement qu'un président de l'Assemblée nationale, comme un ministre, rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, en plus des déjeuners le midi, parfois même des petits déjeuners, des responsables d'entreprise, des responsables de la culture, des responsables de l'université. On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques d'être coupés, d'être que dans leur monde politique, d'être dans une forme de bulle politique. Certains auraient dit qu'il suffisait de traverser la rue pour se reconnecter au réel, mais François de Rugy et son épouse en pincent davantage pour le homard et le pommard. À l'Assemblée nationale, cette évocation des frasques de l'ancien président met mal à l'aise. Côté opposition, le cri est unanime. François de Rugy doit sortir son carnet de chèques. Bien, si j'étais à sa place, je rembourserais. Il doit y avoir de la transparence, pas simplement pour les députés dont vous savez que l'IFM est épluché, c'est bien normal, pour les ministres, pour tous ceux qui sont en charge des plus hautes responsabilités. Personnellement, je n'ai fait aucune dépense pour inviter des amis au restaurant, manger avec ma compagne dans les palais de la République. Donc ça, l'ancien président de l'Assemblée nationale, savoir si les dépenses qu'il a engagées et qu'il a fait engager à l'institution de l'Assemblée nationale correspondent aux standards qu'il a imposés lui-même aux députés. Et si ce n'est pas le cas, il doit les rembourser, bien évidemment. Ça vous choque ou pas? Ça me choque comme ça choque l'ensemble des Français, oui, bien sûr. Je comprends que l'opinion publique puisse être choquée. On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat ces derniers mois, de difficultés des Français à joindre les deux bouts, et je comprends que l'on puisse être choqué. Je crois que c'est à lui-même d'en tirer les conséquences, de s'exprimer et de rembourser le cas échéant. Si tout ça était confirmé, s'il y avait des utilisations abusives, la moindre des choses, en effet, spontanément, et avant même qu'il y ait une demande judiciaire ou particulière de déontologue ou autre, la moindre des choses serait effectivement d'assurer le remboursement. Rembourser, oui, si, en tout cas, si c'est... Vous savez, en plus, quand vous êtes président l'Assemblée nationale, il faut quand même dire un truc aux gens, c'est que vous gagnez le double, un peu plus du double de l'indemnité d'un député lambda, et c'est déjà pas mal l'indemnité d'un député lambda, donc ça va, quoi. S'il faut se payer un repas, il se paye un repas, quoi. Donc oui, ça serait le minimum syndical s'il a reçu des gens qui n'avaient rien à voir avec sa fonction présidentielle. Du côté de La République En Marche, on affecte ne pas être au courant. On attend les consignes, comme Monique Iborra, députée de Haute-Garonne. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est normal ou que c'est anormal. Je dis qu'on vient d'apprendre ça par la presse, et pas par n'importe laquelle, en plus. Et qu'on n'a pas eu de, on n'a pas eu de rencontre, on n'en a pas discuté en groupe. Quant à Danielle Brulebois, pourtant membre du bureau de l'Assemblée nationale, c'est bien simple, elle n'a rien vu. C'est ballot. Je fais partie du bureau de l'Assemblée nationale et tout ce qui se passe à l'hôtel de la Sée est vérifié. Je n'ai pas été au courant de quelques avis. Non, je n'ai pas lu l'article de Mediapart. D'ores et déjà, l'affaire a fait une première victime, la directrice de cabinet du ministre, Nicole Klein, dont Mediapart vient de révéler les indélicatesses. Cette ancienne préfète bénéficiait d'un HLM parisien depuis 2001, un logement qu'elle n'a pas occupé pendant 12 ans entre 2006 et 2018, période durant laquelle elle a travaillé dans 5 préfectures de provinces différentes et une agence régionale de santé. Elle aurait manqué de temps pour déménager. Sitôt les faits rendus publics par Mediapart, François de Rugy lui a demandé sa démission, ce qu'elle a fait. Sera-t-elle la seule à faire les frais d'une conduite inappropriée ? Ce matin, Mediapart publie un nouvel article consacré aux travaux dans les appartements privés du ministre. Le feuilleton continue. Alléluia ! La planète est sauvée. À la surprise générale, le Conseil de défense écologique, instance gouvernementale, créée voici 2 mois à l'issue du grand débat, vient de décider de taxer les pollueurs. Et face à l'urgence climatique, nous avons arrêté ce matin un certain nombre de décisions. Nous avons décidé, comme l'ont fait d'autres pays, de mettre en œuvre une éco-contribution sur le transport aérien, sur tous les vols au départ de la France. Elle sera progressive et représentera une contribution de 1,50€ par billet sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique et pourra aller jusqu'à 18€ sur un vol hors Union européenne en classe affaires. La deuxième mesure concerne le transport routier de marchandises. À partir de 2020, le remboursement partiel dont bénéficie le transport routier de marchandises sur le gasoil sera réduit de 2 centimes par litre. Ces deux mesures devraient rapporter 320 millions, un pactole qui sera affecté à l'entretien des infrastructures de transport, rails et routes. À l'Assemblée, certains jouent déjà les rabat-joie. Je rappelle qu'on a un prélèvement très important sur les carburants en France, ça représente quand même quelques dizaines de milliards, que normalement ces taxes sur les carburants devraient servir aux infrastructures. Alors c'est vrai pour une petite part, mais l'essentiel sert au budget de l'État. Donc recréer une taxe pour finalement pallier ce qui est conservé au niveau de l'État, ça manque pas de sel. Dans la majorité présidentielle, les plus écolos des députés sont surpris par le changement d'attitude du gouvernement. Ce qui est pas très satisfaisant, c'est qu'effectivement on avait présenté nous des amendements lors de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, on nous les a refusés, que ce soit les miens, que ce soit ceux de Barbara Pompili ou d'autres, et finalement un mois après on nous dit non finalement c'était bien, vous avez raison, fallait le faire. Ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho se montre plus optimiste, tout en soulignant qu'on est loin du compte. Pendant des semaines on s'est battu pour qu'il y ait des mesures qui soient prises par rapport à l'aviation, qui nuit gravement au climat, que le gouvernement avait refusé. Aujourd'hui, il fait un geste symbolique, on le prend et on continue. Voilà, on continue parce que ce qu'a annoncé le gouvernement aujourd'hui est incomplet. Et notamment, il y a une décision très importante que nous proposons, qui est de supprimer les liaisons aériennes là où elles sont inutiles. Hugo Bernalicis est sur la même longueur d'onde. Les gens ne savent pas aujourd'hui que pourquoi un avion, par exemple, je ne sais pas moi, Rennes-Toulouse, pourquoi c'est moins cher que le train. C'est moins cher qu'un train, d'accord ? Parce que les vols intérieurs sont subventionnés pour le décloisonnement des territoires qui sont enclavés, etc. Pour ça, la formule consacrée. Donc, à un moment donné, on a fait une proposition de loi avec mon collègue François Ruffin, en disant, écoutez, il y a des fois où Rennes-Toulouse, bon, bah, à place de 9 heures en train, oui, c'est pas déconnant qu'il y ait encore des avions. Mais on les subventionne, on arrête de les subventionner autant parce qu'on a besoin d'avoir des trains plus performants, moins chers, etc. Bon, quand on voit le pognon qui manque pour rénover les rails, c'est peut-être une piste. Et puis, plus de vols intérieurs quand le train, il peut être pris, quoi. Un gros doute demeure cependant sur la destination du produit de ces taxes. Il est vrai que le gouvernement Philippe ne serait pas le premier à brandir l'étendard de l'écologie pour assurer ses fins de mois. L'idée est intéressante, Jacques Chirac l'avait fait, vous savez, avec un prélèvement, mais un prélèvement de quelques centimes. Là, c'est un prélèvement qui se chiffre en euros. Il va falloir nous expliquer exactement où ira cet argent et si ça va effectivement à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire à la baisse des gaz à effet de serre. C'est une bonne décision. Je crois que maintenant, il faut se préoccuper de savoir à quoi l'argent de ces taxes ira. Notre souhait, c'est que ça aille évidemment à la transition écologique, que ce ne soit pas une taxe pour renflouer les caisses de l'État. En faisant cela, le gouvernement a juste trouvé un moyen supplémentaire de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et comme d'habitude, pour cela, on se drape de lin blanc. Et justement, un député de La République En Marche dévoile le poteau rose. On a des infrastructures qui sont dans un état qui se dégrade énormément parce que justement la droite et la gauche n'ont pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure et eux-mêmes l'avouent quand ils nous parlent en off. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on trouve aussi de nouvelles finances, de nouvelles recettes pour pouvoir rénover cette infrastructure qui se dégrade et ça, tout le monde le voit au quotidien. Vous l'avez compris, il s'agit davantage d'entretenir les infrastructures existantes, routes et voies ferrées, que d'opérer un véritable basculement du transport routier vers le ferroviaire. C'est pas parce que vous mettez 2 centimes, 7 centimes, 8 centimes par là que vous changez l'équation. Ça continue de coûter moins cher de faire transporter des marchandises en camion que d'investir dans un train qui, lui, est écologiquement responsable. Certes, mais ce n'est pas demain que les choses vont changer. Les transporteurs sont déjà sur le pied de guerre. Le message est très risqué du gouvernement sur cette taxe que les transporteurs ont découvert. Je suis en lien avec eux. La semaine dernière, nous proposions avec les transporteurs une fiscalité sur le transport de marchandises. Ils étaient d'accord sur un certain type de fiscalité. Le gouvernement a balayé ceci, est arrivé avec une autre solution sans les prévenir. Et je sais déjà qu'ils préparent des blocages probablement de ronds-points à la rentrée. En résumé, les écotaxes mécontentent tout le monde, les défenseurs de l'environnement et le transport routier. Bref, c'est trop ou trop peu. Thank you. d'être présente devant nous aujourd'hui. Nous avons au moins l'occasion d'en savoir un peu plus sur les intentions politiques qui sont les vôtres. Et je dois dire qu'il aurait quand même été plus respectueux de la souveraineté des peuples que nous ayons pu savoir cela avant les élections pour que les citoyennes et les citoyens européens puissent se prononcer en connaissance de cause. Malheureusement, la procédure qui a donné lieu à votre proposition était une proposition opaque à laquelle aucun d'entre nous, parlementaires ni citoyens européens, n'a été associé. Bon, vous êtes là et c'est tout à fait l'occasion de vous poser quelques questions. Donc je voudrais vous poser finalement 5 questions extrêmement simples et concrètes. La première concerne l'urgence écologique et environnementale. Vous savez que les rapports internationaux nous disent que nous avons 12 ans pour agir et ça nécessite une action forte et immédiate. Dans la mandature précédente, le Parlement européen avait pris des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Mais c'est bien, mais c'est insuffisant. Ma question est simple. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 100% d'ici à 2050, comme le préconise le GIEC? Deuxièmement, la commission sortante vient de ratifier un accord de libre-échange avec le Mercosur qui aura un impact extrêmement défavorable sur le climat. Ma deuxième question est simple. Est-ce que vous êtes prête à revenir sur cet accord de libre-échange et à tourner la page de ces accords qui auront un impact extrêmement désastreux sur l'environnement et le climat? Ma troisième question, vous avez dit devant l'audition que vous avez eue avec le groupe des Verts que votre principe c'était à salaire égal, travail, à travail égal, salaire égal. Or il existe un statut au sein de l'Union européenne qui s'appelle la directive des travailleurs détachés qui contrevient à ce principe. Est-ce que vous êtes prête à vous engager à abroger enfin ce statut et cette directive sur le travail détaché? Enfin, ma dernière question, pour respecter le temps de parole qui nous est donné, concerne la politique de défense. Vous avez dit dans une tribune au mois de janvier que pour vous, l'OTAN était une nécessité dans le monde. Or, cette alliance date d'un temps, la guerre froide qui est aujourd'hui révolue. Notre question est simple, est-ce que vous êtes prête à couper les liens entre l'OTAN et l'Union européenne pour, au lieu de construire l'Europe de la guerre, que l'on puisse enfin construire l'Europe de la paix? Merci beaucoup. Évidemment, le danger plonge plus profond. Cette Union européenne construite pour la paix, tous ces gens se regroupent pour dire maintenant la cause commune, c'est la défense. Bref, la guerre. Et même quand elle marque des points par ses diplomaties nationales, comme par exemple les Français font un travail admirable, et pourtant je n'étais pas d'accord avec ce ministre des Affaires étrangères, pour obtenir un accord de désarmement nucléaire avec l'Iran, que pour finir on l'obtient avec les garanties et que les agences internationales de vérification disent oui, les Iraniens respectent leurs paroles. Eh bien il aura suffi que les Nord-Américains décident qu'ils se retiraient de l'accord et qu'ils mettaient l'Iran sous toutes sortes d'embargos qui est devenu dorénavant la politique impériale partout. Nous sommes passés à deux doigts d'une guerre. Eh bien, qu'ont fait tous ces importants personnages qui nous ont fait la leçon sur tous les tons, quand nous avons parlé, nous, de la conférence pour la paix, quand nous intervenons sur la conférence des frontières en Europe, alors qu'ont-ils fait? Rien, encore une fois. Personne n'a rien dit. Monsieur Trump amène le monde au bord de la guerre et il n'y a pas un gouvernement européen pour condamner ce type de comportement. C'est incroyable. Sur le climat, les choses ne sont pas mieux. Ah, on en a entendu, hein. Et voilà, ils se sont retrouvés. Il était question d'un accord pour parvenir à la neutralité en 2050. Impossible de le signer. Une série de pays n'en veut pas. Autrement dit, une série de pays en Europe considère que ce n'est pas la question la plus urgente. Que tant qu'on n'a pas donné tel ou tel financement, ils refusent de s'intéresser à l'accélération de ce processus de passage à la neutralité. Bon, vous l'avez compris. La bataille reste très ouverte et nos amis au Parlement européen vont avoir beaucoup de travail à accomplir pour être à la fois des sentinelles, des lanceurs d'alerte, des proposants de solutions que l'on fasse connaître au grand nombre. Car le grand nombre doit savoir qu'il existe aussi des solutions internationales dès lors que l'on va en chercher la source dans la souveraineté du peuple et qu'on va en chercher les appuis dans le renfort de l'identité républicaine des Français. Ces phrases peuvent vous paraître abstraites. Ce sont nos principaux outils pour avancer face au chaos qui se dessine devant nous. Le deuxième défi que j'ai aperçu, c'est celui de la financiarisation accélérée de l'économie. De plus en plus, la finance entre, gouverne et décide de tout. Dans des conditions où, parce qu'elle est portée par des idéologues hallucinés, plus personne ne s'occupe des conséquences de ce qui est décidé. Le président de la République appartient à cette école de la finance. Il en a été lui-même un acteur, et non des moindres, spécialisé dans les achats et ventes d'entreprises. C'est persuadé que du moment qu'on met un tas de billets à côté d'un tas de tôles, on attend et il sort des voitures, ou des trains, ou des avions. C'est-à-dire qu'il croit que le capital travaille. Personne ne lui a dit que seuls les êtres humains travaillent. Même quand il y a des robots, ce sont des êtres humains. Et voilà comment cet homme bien plus intelligent et cultivé que moi, tout le monde le sait, m'a expliqué que Alstom Transport, c'est-à-dire le TGV et les autres machines de cette sorte, qui sont admirables et uniques au monde, ça n'était pas viable sans Siemens, une entreprise qui ne sait pas fabriquer des trains, mais qui essaye quand même. Eh bien oui, c'était pas viable. Le mois d'après, oui, je sais ce que je dis à propos de Siemens et de leurs trains, vous n'avez qu'à aller voir, hein, ceux qui s'intéressent aux trains. Eh bien, avec le mois d'après, cette entreprise annonce des bénéfices records. Et M. Bouygues, qui au départ avait acheté ça pour faire plaisir à M. Sarkozy, se retrouve à faire encaisser des dividendes qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'il aurait gagné s'il avait revendu les actions. Une véritable pluie de pognon. On embauche, parce que des engins de cette nature sont demandés dans le monde entier. Et que contrairement à ce que croient certains, on ne fait pas un train à très grande vitesse autrement qu'avec des ouvrières et des ouvriers, des cadres, des ingénieurs, au plus haut niveau de formation, c'est-à-dire non seulement en sachant comment on travaille, mais étant les héritiers du travail de ceux qui étaient là avant. Le travail est d'abord une science appliquée. Elle est faite de savoir. La main n'a aucune intelligence sans le cerveau. Et tous ceux qui produisent ces outils extraordinaires, qui fabriquent des turbines à gaz, dont les ailettes se règlent au micron, dont l'axe qui pèse plusieurs tonnes se règle au gramme, qui une fois chargé sur un camion fait un convoi de 100 mètres de long, suivi religieusement, comme ce fut le cas il y a une quinzaine, par tous les ouvriers de l'Alstom, fiers de leur travail, montrant ce qu'est une turbine qui peut à elle toute seule alimenter en électricité 600 000 personnes. Voilà ce que nous savons faire. Ah oui, à quoi ça servirait de vous dire nous allons gouverner, nous allons faire la planification écologique, nous allons faire la transition, et alors on se retrouverait comme tant de nos amis qui ont gouverné ici et là, dans des pays amis où on donne des ordres mais où il n'y a personne pour les exécuter pour la raison que personne ne sait le faire. Ce savoir-faire est notre capital le plus précieux parce que demain nous allons faire tout ça et il nous faudra des turbines beaucoup efficaces. Il nous en faudra pour recycler le gaz que nous produirons à partir de la biomasse. Il nous en faudra pour venir prendre le relais des machines qui arrêtent de tourner quand il n'y a plus de vent, etc., etc., etc. Nous n'avons jamais cru une seule seconde que notre projet écologique avait le moindre sens s'il n'était adossé sur une industrie puissante, sachante, avec des travailleurs très hautement qualifiés. C'est cela que nous avons là-bas à Belfort. Des circonstances étranges entourent la vente d'Alstom à General Electric. Tout de même, le gouvernement apprend par surprise que le patron est en train de vendre la boîte à des Américains. Comme c'est curieux, il n'en avait rien dit jusque-là. Et son adjoint était en prison, aux États-Unis. Ça aide à réfléchir apparemment. Il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Elle est présidée par un député, Les Républicains. Certes, il y a dedans un insoumis, ce qui en général, tout est perdu dès qu'il y en a un. C'est l'insoumis Bastien Lachaud. Mais M. Marleix n'a rien demandé à personne avant d'aller déclarer publiquement qu'il avait des indices concordants d'un pacte de corruption possible qui expliquerait la vente et dans lequel il met en cause le président de la République. Je suis étonné que les 100 policiers qui ont bondi chez moi et chez mes 10 amis n'aient pas couru immédiatement dans la chambre à coucher du président de la République pour aller voir s'il ne cache pas sous les matelas, comme moi-même, des documents secrets et accablants. Non, rien. Il ne se passe rien. Un journaliste fait un livre sur l'emprisonné, il se fait cambrioler, on lui vole juste son ordinateur. Que se passe-t-il? Rien. 3 lignes dans Gala et Voici, qui sont des journaux sérieux d'information, au contraire de ceux qui n'ont rien publié. Et ainsi de suite. À présent, on dit à ces pauvres gens, eh bien écoutez, des turbines, il n'y en a plus besoin dans le monde parce qu'il n'y a pas de turbines en ce moment. Je n'ai pas l'intention d'épiloguer longuement devant vous sur le commerce des turbines. Mais je vais vous dire une chose. Autrefois, c'était une boîte unique. Et je suis assez vieux pour avoir connu ça. Ça s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité. C'était un énorme conglomérat. Si bien que quand il y avait moins besoin de bateaux, eh bien on se rattrapait sur les turbines. Et quand il y avait moins besoin de turbines, on se rattrapait sur les trains. Et quand il y avait moins besoin de trains, c'était le moment où il y avait plus besoin de turbines, etc., etc. Si bien que l'entreprise, dans son ensemble, gardait un équilibre financier. Sont arrivés les intelligents, les plus qu'intelligents, nos maîtres, qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le monsieur Sturuck, que des gens ont oublié ici, qui était un génie de l'industrie et de la finance, qui avait inventé le modèle, disait-il, de l'entreprise sans usine et sans mur. Juste un carnet de commandes, une licence et des paquets de dollars. Le modèle de Nike. Cet homme a ruiné tout ce qu'il a touché. Mais en tout cas, ça montre que la formule du conglomérat est plus efficace pour faire tenir l'industrie que de tout découper en petits morceaux sous prétexte de je ne sais quel cœur d'activité. Eh bien, tout ça, quand même, maintenant, quand on nous dit qu'il n'y a plus besoin de turbines, nous disons ce n'est pas vrai, il y en a besoin. Pour le plan écologique, il y en a besoin. Dans l'aviation, il y en a besoin, il y en a besoin. Donc vous nous mentez. Vous nous mentez, et la preuve, c'est que s'il n'y avait plus besoin de turbines, vous n'installeriez pas des usines dans les pays aux alentours, où la main-d'œuvre coûte moins cher. Vous êtes en train de fermer pour délocaliser. Point barre. Vous êtes des menteurs, en plus d'être des voyous. Je dis des voyous pourquoi? Parce que l'entreprise ayant été vendue, ses patrons américains, qui l'avaient acheté, doivent maintenant s'en débarrasser pour améliorer leurs comptes parce qu'ils sont quasi ruinés. Mais ils ont été prudents. Ils avaient acheté l'entreprise, ils ont sorti tous les brevets, ils les ont collés en Suisse. Il faudra donc leur courir derrière. Moi, si je m'en occupais, j'utiliserais les mêmes méthodes de conviction que celles qu'ont utilisées les Américains. Et je suis sûr que très rapidement, quelqu'un se souviendrait, trouve les brevets, serait prêt à les revendre à la France, et ainsi de suite. C'est odieux ce qu'on est en train de faire, là, dans ce cas précis. Mais mettez-vous à la place de ces milliers de gens, tout d'un coup niés dans tout ce qu'ils sont. L'ouvrière, l'ouvrier d'élite qui sait faire ce travail, pour qui c'était un projet dans la vie. Épouser la fille qui bosse à l'usine à l'Alstom, ou à la Peuge, non, c'était moins bien. Sochaux, c'était dur, hein. Bon, mais enfin, ça faisait partie des projets de vie. Les gens savaient qu'ils portaient quelque chose. Allez voir un General Electric à Grenoble. Ils font des pelles fortes, des turbines. J'arrive là-dedans, je croise un gars, et je lui dis, vous êtes là depuis combien de temps, vous? Il me dit, 120 ans. En un mot, tout était dit. Parce qu'il avait accumulé. Alors évidemment, les têtes d'œufs croient qu'il suffit de mettre un bloc et puis de mettre une machine qui le découpe, et à la sortie, on a une roue pelle forte. Ben non. Ben non. Il y a quelque chose de quasi artistique dans la mise au point de cette roue. 25% des barrages du monde ont à l'intérieur une roue qui vient d'une entreprise française à Grenoble. C'est pas rien. Et à tous ces gens, vous leur dites, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Allez-vous-en, rentrez chez vous, on va faire un plan de reconversion. Vous faisiez des turbines, vous ferez des castagnettes. Pourquoi pas? D'un seul coup, on les nie dans tout ce qui les constitue, comme ouvriers, comme ingénieurs, comme intellectuels de la production, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la main n'est rien sur la tête. Voilà pour cette affaire d'Alstom. On continue à l'appeler Alstom alors qu'il s'appelle General Electric. Ben là-bas, on dit l'Alstom. C'est comme ça. C'est une culture. Et c'est vrai partout dans la France. On ne peut pas accepter que le pays soit dépouillé de cette manière de tout ce qu'il sait faire. Je m'en vais voir le président de la République lundi à Marseille. Il m'a invité pour parler de la rencontre qu'il a organisée, et donc je le félicite, entre les 5 pays du petit bassin de la Méditerranée, côté Europe et côté Maghreb. C'est la bonne surface que ces 5-5-là. On va voir. Mais enfin, je vais lui dire alors, vous avez rien à dire sur l'état de la mer, là? Vous savez qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons là-dedans? Vous êtes au courant que c'est une mer fermée, que le passage il fait 13 km de large seulement et qu'il faut 100 ans pour renouveler toute la flotte? Vous comptez faire quoi à part des discours? Il est temps maintenant de se mettre au boulot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire des kilomètres de canalisation. Il faut savoir les faire. Mais s'il ne suffit pas de mettre des billets en tas, qui est-ce qui fait des canalisations si ça n'est pas Saint-Gobain à Pont-à-Mousson et que vous comptez vendre à je ne sais qui pour le faire partir? Au moment même où 30% de la flotte qui circule dans ce pays se perd dans la terre, au lieu d'être correctement canalisé par les bonnes canalisations qu'on sait fabriquer dans ce pays et qu'on devra demain aller mendier à d'autres, comme il faudra aller mendier les turbines pour aller les mettre dans tout ce qui comporte une turbine. Je vous en passe et des meilleurs. Tous les sujets nous ramènent à la nécessité d'avoir une indépendance et une souveraineté sur des productions sans lesquelles la souveraineté du peuple est une illusion. Vous pouvez faire tous les discours que vous voulez sur la flotte. Si vous n'êtes pas capable de mettre une canalisation, vous faites des phrases, pas de la flotte. Voilà le sens de ces questions. Et j'arrête là. Le troisième défi que j'ai vu, c'est celui de l'autoritarisme. Les libéraux sont devenus les plus grands ennemis de la liberté dans le monde entier. Ils utilisent la justice pour réprimer leurs opposants. Je vous ai donné les exemples. Alors quand c'est en Chine, on dit bah c'est un régime de parti unique. Eh bien oui, et c'est inacceptable. Quand c'est en Russie, on dit ah ben c'est votre ami Poutine. Pardon, il y a erreur. Moi, mon ami, il s'appelle Sergueï Udaltsov. Il s'est tapé 4 ans de camp pour s'être opposé à Poutine. Mais on dit c'est un régime d'autorité. Mais quand c'est ici en France, qu'on condamne nuit et jour des gens, qu'on en met 1800 au bloc, que je me fais agresser, que je suis accusé sans preuve, moi et tous les camarades, non, là c'est normal. Là c'est normal. Il y a une dérive autoritaire du régime qui se constate tous les jours. Et rappelez-vous bien de ça tous. Ceux qui ricanaient si contents de nous voir pris dans cette histoire, d'autant plus révoltante qu'on n'en connaissait même pas la raison. Pour quelle raison tous ces gens nous poursuivaient-ils? Parce qu'une femme d'extrême droite dénonce mon système d'assistant parlementaire. Parce qu'une sorte de pauvre type, après avoir validé mes comptes de campagne, les signale quand même. On lui dit, mais vous venez de les valider, alors pourquoi vous les signalez? Ben parce que je peux pas contrôler, alors à quoi tu sers? Puisque t'es payé pour contrôler que tu viens d'être augmenté en plus. Eh bien, il y en a que ça a fait rire. Rappelez-vous le journal Mediapart, qui en rajoutait, qui demandait des sanctions, et qui m'a traîné dans la boue, hein, jusqu'au jour où c'est chez eux qu'on est allé perquisitionner. Ah oui, poli, hein, quasi du Benalla. Benalla, perquisitionne chez lui, on peut venir demain, monsieur Benalla? Non, non, j'ai pas les clés. Bon, alors ça sera après-demain? Quelle heure vous arrange, monsieur Benalla? Ah, je sais pas, parce que je sais pas où est ma femme. Bon, eh bien c'est pas grave, on viendra quand ça vous arrange. Et pareil à Mediapart. On peut venir à 11h, on vient à 3. Mais vous savez qu'on est 50 là à bosser, vous allez nous saisir les 50, tout le monde vient à 3. C'est pour intimider. Alors ça les faisait rire, mais maintenant ça les fait moins rire. Parce que des perquisitions, c'est pour tout le monde. Et même pour monsieur Collomb, qui nous a envoyé les 100 flics et qui retrouve un morceau chez lui maintenant pour aller voir sous son matelas à lui où est caché ceci ou cela. Et je n'hésite pas à dire que c'est une grossière manœuvre d'intimidation. Parce que sur le cas qui occupe l'affaire Collomb, c'est une affaire qui était déjà en train d'être traitée. C'est donc pour lui faire peur et pour faire peur à tous les autres quand on déploie ce genre d'organisation, etc., etc. Maintenant, perquisition si votre môme a été bombé je ne sais quoi sur un mur, bête qu'il est. Eh bien, perquisition chez des lycéens, perquisition chez des militants qui luttent contre la poubelle nucléaire de Bure. Et on a habitué petit à petit les gens à trouver ça normal. Quand on a envoyé 2500 gendarmes et des blindés pour aller expulser des zadistes au moment même où on venait de renoncer d'avoir fait l'aéroport. On a habitué à la militarisation, à la criminalisation. La dérive autoritaire du régime est une grande menace. Ne croyez pas que je sois en train d'exagérer. Demandez aux gens qui ont vécu ça sur le terrain. Et vous avez vu cette Madame Belloubet, dans cet air de sidération permanent, qui lui tient lieu de posture, perpétuellement hébétée. Deux journaux publient in extenso ou presque des comptes rendus d'audience qui d'ailleurs ne prouvent rien, qui sont des pièces de la procédure judiciaire. Que fait la ministre? Voilà. Dans ce pays, on ne sait pas comment, toutes ces pièces qui s'est punies par la loi de diffuser les procès-verbaux d'audition. Alors, mesdames et messieurs, vous pensez que c'est gratuitement que des fonctionnaires de la justice et de la police offrent de tels documents à des journalistes, ou bien sûr par amour de la vérité, ou bien peut-être d'autres trafics sont à l'œuvre. Si nous avions un gouvernement avec un garde des Sceaux, on demanderait au garde des Sceaux au moins de déclencher une enquête, sans qu'on ait besoin de porter plainte. On peut toujours porter plainte, ça ne sert à rien. Aucune affaire n'est jamais suivie. Aucune sanction n'est jamais attribuée. Les journaux peuvent publier, nous nous sommes procurés les documents et personne ne dit rien. C'est illégal, c'est puni. Il y a des amendes, il y a de la prison. Non, pas pour eux. Ils laissent faire. Le conglomérat de la police, de la justice et des médias peut donc mettre sur le pilori qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et personne n'a rien à dire sur le sujet. J'espère que vous comprenez la gravité de cette situation. Et elle va sans cesse s'aggravant. Où que l'on aille, ce sont des libertés en moins. Dans l'Assemblée nationale, au Sénat. Thank you.

qui héberge aussi une famille juive cachée dans sa cave, 800 juifs, en grande partie des enfants, sont sauvés entre 1943 et 1944. Voilà, Gino Bartali, un ortenir, un antifasciste, un vrai. Gilets jaunes, bientôt une structure régionale. De nombreux responsables des Gilets jaunes du Grand Est étaient réunis ce dimanche à Mirecourt, c'est-à-dire le 7 juillet. Objectif, se concerter pour donner naissance à une structure qui se fera l'écho de tous les acteurs régionaux du mouvement. Voilà, ils sont en train de se structurer. Eh bien, c'est bien, comme ça ils auront plus de chances d'être efficaces. Et s'ils faisaient l'union avec les syndicats et les partis politiques de gauche, et que ceux-ci, les syndicats et les partis politiques de gauche, soient capables, eux aussi, de faire l'union, eh bien, on s'apercevrait que l'union fait la force, et la désunion fait la force de ceux d'en face, hein, comme on disait dans les tranchées en 1914. Emmanuel Macron, qui avait placé le début de son quinquennat sous le signe de la moralisation de la vie publique, a été à plusieurs reprises depuis son arrivée à l'Élysée confronté aux révélations de manquements présumés des membres de son entourage et de son gouvernement. Certaines de ces affaires, entre guillemets affaires, ont donné lieu à l'ouverture d'enquêtes par la justice. D'autres ont été classées sans suite, mais toutes ont alimenté une guérilla de l'opposition. L'affaire Benalla. Rappelons-nous, l'affaire Benalla. Les vidéos montrant Alexandre Benalla, un jeune chargé de mission qui avait suivi Emmanuel Macron à l'Élysée après avoir assuré sa sécurité pendant la campagne présidentielle, en train de frapper et malmener des manifestants le 1er mai 2018 à Paris, alors qu'il accompagnait les forces de l'ordre en tant qu'observateur, mais avec brassard et casque de policier quand même, ont déclenché en juillet 2018 la plus violente crise politico-judiciaire du quinquennat. Plusieurs enquêtes judiciaires, parlementaires et administratives ont été ouvertes. Alexandre Benalla et quatre autres personnes, des policiers haut gradés et un gendarme réserviste salarié de La République En Marche, Vincent Crase, ont été mis en examen. Quel beau monde, quel beau monde. La présidence qui avait d'abord mis à pied Alexandre Benalla pendant 15 jours en mai l'a finalement licencié. Le parquet de Paris a ouvert le 30 juillet 2018 une autre enquête à la suite de deux plaintes pour des violences impliquant Alexandre Benalla et Vincent Crase le même jour dans le Jardin des Plantes. Les dîners fastueux de François de Rugy. François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, et son épouse ont multiplié les dîners privés fastueux à l'hôtel de Lassé entre 2017 et 2018, a rapporté Mediapart en juillet 2019. Documents, photos et témoignages à l'appui, le journal en ligne a recensé une dizaine de ces dîners dans les murs de la résidence du président de l'Assemblée entre octobre 2017 et juin 2018, qui rassemblait à chaque fois entre 10 et 30 invités, appartenant pour l'essentiel au cercle relationnel et amical de son épouse, Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala. À table, homard, champagne et grand cru, issus des caves de l'Assemblée nationale, comme un mouton Rothschild de 2004, apparaissent sur une photo mise en ligne par Mediapart, sur laquelle Séverine de Rugy pose. Et aussi évoqué une soirée de Saint-Valentin 2018 du couple Rugy. C'est à chaque fois le personnel de l'hôtel de Lassé qui a été mobilisé pour l'occasion, affirme Mediapart. François de Rugy a mis en avant un travail de représentation requis par ses fonctions, niant toute soirée fastueuse. Ce travail de représentation, je l'assume totalement, a-t-il assuré. Ben oui, ça c'était il y a quelques jours et aujourd'hui il vient de démissionner. Eh oui, c'est le énième ministre de Macron qui démissionne. Il n'y en a jamais eu autant pendant la Ve République en aussi peu de temps. Oui, quelle République, quelle République. Il faut vite qu'on passe à la Sixième République, hein, qu'on change les règles du jeu, parce que là, ça va de plus en plus mal. L'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Les éphémères ministres du MoDem, François Bayrou, Justice, Marielle de Sarnez, Affaires européennes, et Sylvie Goulard, armée, ont renoncé à rester au gouvernement après les élections législatives de juin 2017 sur fond de soupçons d'emploi fictif d'assistants au Parlement européen. L'affaire a donné lieu en juillet 2017 à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroquerie. Sylvie Goulard a néanmoins été nommée à la Banque de France en janvier 2018 au poste de seconde sous-gouverneur. Voyez comme les choses s'arrangent dans ce milieu-là, hein. Vous en feriez le quart de la moitié du dixième, vous risqueriez de passer votre vie en prison. Eh bien, ces gens-là, non. Non, ils plongent des deux mains dans notre argent, dans l'argent que l'on a gagné en travaillant, et eux, ils le dépensent comme ça. Richard Ferrand et les mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand, l'un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, a dû renoncer en juin 2017 à son portefeuille gouvernement. La cohésion des territoires, à la suite de l'ouverture par le parquet de Brest d'une enquête préliminaire sur ses activités passées à la tête des mutuelles de Bretagne de 1998 à 2012. Le parquet souhaitait alors établir s'il y avait lieu de le poursuivre pour avoir permis en 2011 à la société immobilière de sa compagne, Sandrine Doucen, d'emporter un marché lors de la localisation d'un local commercial par les mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand a finalement bénéficié d'un classement sans suite en octobre 2017. L'affaire a cependant rebondi en janvier 2018 avec l'ouverture par le PNF d'une information, parquet national financier, donc d'une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt dans ce dossier, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de l'association Anticor. Richard Ferrand a obtenu en juin 2018 que le tribunal de Paris soit dessaisi du dossier, dépaysé à Lille. Trois juges d'instruction ont été désignés pour instruire le dossier. Si Emmanuel Macron n'a pu le reprendre au gouvernement, il a fait de Richard Ferrand le chef de file de sa majorité à l'Assemblée nationale. Après la nomination de François de Rugy au poste laissé vacant par Nicolas Hulot, Richard Ferrand a été désigné pour présider l'Assemblée nationale. Bah voyons, le culot quand même. Muriel Pénicaud et Business France. La ministre du Travail a été entendue comme témoin assisté le 22 mai 2018 au pôle financier du tribunal de Paris en tant que patronne de Business France. Business France, ça va bien ensemble ça, hein? Business France. Oh oui, deux mots qui vont bien ensemble. Et ils vont très bien ensemble, ces deux mots. Dans le cadre d'une information judiciaire sur des soupçons de favoritisme, la justice enquête sur les conditions dans lesquelles cet organisme de promotion de la France auprès des investisseurs étrangers a confié au publicitaire Havas l'organisation en janvier 2016 à Las Vegas d'une coûteuse soirée autour d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Le statut de témoin assisté a évité à Muriel Pénicaud une mise en examen synonyme de départ du gouvernement. Laura Flessel, une démission préventive. La démission surprise de la ministre des Sports, Laura Flessel, le 4 septembre 2018, pour raisons personnelles, serait en réalité liée à des ennuis fiscaux, selon le Canard Enchaîné et Mediapart. Selon l'hebdomadaire satirique et le site d'investigation, les découvertes du fisc sur une société de droit à l'image, Flessel & Co., ont eu lieu dans le cadre des vérifications d'usage auxquelles procède l'administration pour tout nouvel entrant au gouvernement. Le litige porterait sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, précise Mediapart. Bercy aurait transmis le dossier de l'ex-athlète à la Commission des infractions fiscales, CIF, un préalable potentiel au déclenchement de poursuites judiciaires. Et j'en ai encore comme ça deux pages, mais ce sera pour une prochaine fois. We'll be right back. Jean-Yann, lui, est un camelot assez peu ordinaire. Il s'est installé sur les boulevards et il s'est mis en tête de vendre des bijoux, mais alors des bijoux à un prix franchement exorbitant. Seulement, va-t-il y parvenir? Là est la question. Bonjour mademoiselle, mademoiselle, voulez-vous vous approcher? Si vous aimez les beaux bijoux, venez voir exceptionnellement le comité de la joaillerie française pour les fêtes du nouvel an. Je vous présente ces articles réclame. Alors nous avons ici un lot, voyez-vous, un bracelet saphir et brillant, valeur 6,4 millions, un bracelet brillant et rubis, valeur 7 millions. Nous avons ici 4 clips d'un million chacun, 1, 2, 3, 4 millions, et le collier de perles en plus. Eh bien, tout ça, si vous le voulez, grâce à la vente réclame du comité de la joaillerie française, vous l'emportez pour combien? Pas pour 20 millions, pas pour 19, pas pour 18, pas pour 17, pas pour 16 millions, mais pour 15 millions seulement. C'est une affaire, monsieur, n'est-ce pas? C'est une affaire, monsieur, ça vous intéresse? 15 millions seulement, ça n'est pas cher. Mais pas du tout, mademoiselle, mais vous rendez compte ce que c'est? Regardez, c'est une bonne qualité, c'est une vente exceptionnelle. Il n'y en aura pas pour tout le monde, il y a deux lots aujourd'hui. 15 millions, monsieur, ça vous intéresse? Vente exceptionnelle du comité de la joaillerie française. Pour un petit Noël. Et si vous tentez, monsieur, je sais que ça fera plusieurs madames. On ne fait jamais de cadeaux. C'est brillant. 10 millions 4. Et oui, c'est bien pour ça qu'on les vend à l'UTV. Je l'ai acheté quand même. Et vous ne croyez pas quand même parce qu'on est ici sur la place, représenter le comité de la joaillerie française et vous vendre des bijoux qui seraient des faux bijoux. Je ne sais pas trop si jamais il tombe des vrais diamants par terre. Alors, monsieur, vous vous laissez tenter? Oh oui. Vous verrez jamais ça, Paris. C'est la première fois qu'on fait une vente comme celle-ci. Écoutez, si vous le vendez 7 millions, vous le vendez avec une déferle. Eh bien, je ne le vends, je le vends pas 7 millions. Valeur 7 millions, vous l'emportez pour la moitié, mais pour 3 millions. Mais une telle perle, ça ne vaut pas 3 millions et demi. Ah, écoutez, monsieur, je vais faire quelque chose pour vous. Tiens, écoutez. Voilà, je vous rajoute un petit bracelet. Hein, un petit bracelet, valeur 1 million 2. Monsieur, je vous barre, voilà. Je vous barre le chèque. Vous me le barrez, s'il vous plaît. Oui, vous le faites à l'ordre du comité de la joaillerie française et je vais vous présenter. Vous préparez votre petit paquet. Vous savez, il y a 4 barrages sur le fleuve Concouré, et c'est le barrage en cascade. Donc l'avantage, c'est que chaque barrage sert de réservoir à l'eau au barrage suivant. Vous savez qu'actuellement, bien que Caleta ait 240 MW, en période d'étiage, il descend jusqu'à 50. L'avantage de Swapiti, c'est que Swapiti va servir de réservoir pour que Caleta donne 240 MW toute l'année. Amaria va faire la même chose pour Swapiti. Donc si nous voulons industrialiser la Guinée, il faut absolument qu'on ait l'énergie hydraulique et solaire. Bonne énergie hydraulique, comme le ministre vous a dit, là on est possible d'avoir 6000 MW. Sur le Concouré seulement, nous aurons à Maria 300 MW, Swapiti 450 MW, Caleta 240 et Garafi 75. Donc, nous pourrons avoir le courant à la fois pour nous, mais aussi pour les amis. Mais n'oubliez pas que la Guinée veut s'industrialiser. Or, l'anumine consomme énormément d'énergie. Si vous regardez par exemple, l'énergie d'anumine consomme plus que la ville de Conakry en énergie. C'est pourquoi en plus des barrages, ils sont obligés de faire une centrale à charbon, charbon propre. Parce que l'énergie seulement, le barrage va servir pour l'industrie légère, etc. Par contre, la centrale à charbon va ravitailler l'usine d'aluminium pour arriver à l'aluminium. Parce que nous ne voulons pas exploiter seulement le produit brut, c'est bien, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Quand vous êtes traité d'aluminium, vous gagnez plus que si vous êtes traité de la bauxite. Quand vous êtes traité de l'aluminium, vous gagnez plus que si vous êtes traité de l'aluminium. Mais il est extrêmement important que la population de Dubreuil comprenne qu'il ne doit pas toucher aux terres de l'État. Parce que Dubreuil va être une très grande zone industrielle, puisque Dubreuil a la chance d'avoir les 3 grands barrages. Donc on a besoin d'installer des zones industrielles ici, parce qu'ils auront le courant, ils auront les infrastructures. C'est pourquoi nous allons récupérer tous les terrains qui ont été vendus de façon illégale par les préfets, les sous-préfets ou d'autres personnes. Donc, c'est ce que nous avons déjà prévu. Le peuple du Guinée peut être confiant. D'ici 2020, nous aurons plus de 1000 MW d'énergie. Donc, nous pourrons fournir l'énergie à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, parce que nous sommes panafricains. Ensuite, on fera aussi beaucoup de mini-barrages. Ce qu'il faut comprendre, les barrages ne servent pas pour les mines. Les mines, vous ne pouvez pas transformer la bauxite en alumine avec le barrage. Parce qu'il faut la vapeur. Pour donner la vapeur, il faut ou le charbon ou le gaz. Donc, tout ce que nous construisons comme barrage va servir aux populations et à l'industrialisation de la Guinée. Mais quelle est la consommation du Brécaville en termes? Du Brécaville totalement, ça ne peut pas atteindre 5 MW pour la consommation. Si vous prenez du Brécaville, vous prenez Kouaya, vous prenez Forcalia, toutes ces régions, il ne pourra pas consommer 10 MW. Donc, tout le reste, c'est pour l'industrie, mais aussi pour les pays voisins. C'est-à-dire, vous voyez qu'on est en train de faire la haute tension. On a déjà fait vers la Gambie et vers la Guinée-Bissau. Nous avons commencé vers Foumi et vers le Mali et vers le Sénégal, parce que le courant de Koukoutamba va aller au Sénégal et au Mali, et le courant de Kalita ira après en Gambie et en Guinée-Bissau. Donc nous avons suffisamment de courant pour créer n'importe quelle industrie, parce que beaucoup d'industries n'utiliseront pas nos courants, ils utiliseront les centrales à gaz. Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec deux croissants. Je m'excuse, monsieur, nous n'avons plus du tout de croissants. Ah, oh ben ça fait rien, alors je vais prendre autre chose. Ça fait rien, on a tellement d'ennuis entre nous, hein. Chacun dans sa vie privée, on n'a que des soucis, alors on va pas s'en faire entre nous. Vous avez qu'à me donner un café nature, alors. Café nature. Avec deux croissants. Monsieur, je m'excuse, je me suis peut-être mal exprimé. Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. On n'a plus du tout de croissants. Ah voilà. Là, ça change tout. Si on n'a plus, je ne peux pas en avoir. Forcément, ben, ça ne fait rien, je vais prendre d'autres choses. Alors, je ne peux pas avoir n'importe quoi. Du lait. Vous avez du lait? Eh bien, donnez-moi dans une tasse de lait. Avec deux croissants. Ça va pas, vous êtes un peu fatigué, ou non? Je vous dis que les croissants, nous n'en avons plus. C'est ce que c'est que les croissants? Les croissants, c'est fini. Des bretzels, des brioches, oui, les croissants, non! Faut pas vous énerver pour ça. Mais ça fait rien. Écoutez, je suis pas le client embêtant, je vais vous dire, donnez-moi ce que vous voulez. Je peux pas mieux vous dire. Du thé, du chocolat, vous avez du chocolat au lait? Moi, une petite tasse chocolat au lait, là. Avec deux croissants. Dites donc, vous en avez pour longtemps, embêté ce garçon. Je vous connais pas, vous. Moi, je suis client, monsieur. Je suis comme vous. J'étais derrière la colonne. Vous m'avez peut-être pas vu, mais moi, je vous ai entendu. Vous êtes pas malade, non? Qu'est-ce qui vous prend d'embêter ce garçon? Taisez-vous! Laissez-moi vous dire, monsieur, que vous avez de la chance d'avoir affaire à un garçon qui a de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les deux croissants, je les aurais foutus sur la gueule. C'est une image rare. Je ne suis pas sûr que vous voyez plusieurs fois ce type de photo. L'ensemble des groupes d'opposition de l'Assemblée nationale se réunissant afin d'enclencher un référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris. Disposition phare de la loi Pacte en cours d'examen au Parlement. Un processus inédit afin de ne pas répéter l'erreur de la privatisation des autoroutes, explique-t-il. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait acheter les patrimoines autoroutiers? Jamais. Et là, la concession d'ADP, elle est pour 70 ans. Que vaudra ADP dans 70 ans? Jamais l'État, Gilles, tu l'as très bien dit, ne pourra revenir en arrière. Une annonce accueillie fraîchement par la majorité. Qu'à 48 heures du vote définitif du texte du pacte au sein duquel sont les privatisations, qu'à 48 heures d'un vote définitif, alors même que ça fait 18 mois que ces sujets sont sur la table, l'ensemble des oppositions fassent une conférence de presse, je pense que c'est un beau signal, c'est une belle manœuvre de politique politicienne. Le combat est loin d'être gagné. Le chemin du référendum d'initiative partagée est long et semé d'embûches. Si après avoir été validé par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi référendaire recueille le soutien d'un dixième des électeurs, soit plus de 4,5 millions de signatures de citoyens, il reste encore un filtre de taille, le Parlement. Les deux chambres peuvent rejeter l'idée d'un référendum. La République En Marche étant majoritaire à l'Assemblée nationale, le processus a donc de grandes chances de ne jamais aboutir. Tout de suite, le Zoom Éco, Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé. Le pétrolier Total, qui mise de plus en plus sur l'électricité, Total veut maintenant exploiter des barrages hydroélectriques en France. Bonjour Axel de Tarlé. Oui, bonjour. Alors c'est vrai que voir Total, qui est un champion mondial du pétrole, s'intéresser à l'électricité, bah, c'est troublant parce que ce sont là deux énergies radicalement différentes. Et ça traduit bien effectivement un changement profond des états d'esprit vers un monde bas carbone, puisque l'électricité, si elle est produite de façon propre, n'émet pas de CO2. Et donc c'est vrai, hier Nicolas Hulot, quand on lui demandait de faire le bilan de son son action disait dans la case positive qu'il se félicitait de, je cite, de la sortie programmée des hydrocarbures, donc du pétrole. Alors la sortie, on n'y est pas encore, mais le mouvement est initié. Le patron de Total le dit sans détour, l'énergie du 21e siècle sera l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité c'est 20% de l'énergie mondiale, ça devrait être 40% d'ici 20 ans. Et donc Total, qui est un pétrolier, s'adapte et Total veut devenir un électricien. Donc vous savez que Total a racheté Direct Energy, l'entreprise investit dans le solaire, l'éolien, et veut maintenant donc exploiter des barrages hydroélectriques dont la concession doit être renouvelée. Et puis pour le symbole, vous savez que le patron de Total roule en voiture électrique, en Zoé, donc techniquement, il ne s'arrête plus dans les stations essence Total. Voilà. Il y a un peu de com dans ce virage, c'est car le géant Total reste avant tout un pétrolier, on le sait. Ouais. Alors bien sûr, c'est vrai que notamment avec la croissance en Inde, en Chine, la demande de pétrole va rester très forte. Il n'empêche, vous savez, cette transition vers les énergies propres, elle est aussi et surtout exigée par les actionnaires, parce que vous avez des fonds de pension au capital qui gèrent sur le long terme et qui veulent investir dans des entreprises qui sont positionnées sur les technologies d'avenir, sur le 21e siècle. Donc tous les pétroliers sont obligés de faire ce virage vers les énergies propres. Un autre exemple, vous savez que BP a changé de nom pour marquer le coup. BP, ça voulait dire, quand on était petit, British Petroleum. Ouais. Eh bien aujourd'hui, ça veut dire Beyond Petroleum, qui veut dire en français « au-delà du pétrole ». Alors que tout a été fait pour discréditer et réprimer le mouvement des Gilets jaunes, la France va, comme chaque année, célébrer sa fête nationale sur les Champs-Élysées. Quel rapport, me direz-vous, entre les Gilets jaunes et le défilé du 14 juillet ? Aucun ! Quoique, vous ne trouvez pas bizarre que la République française se soit choisie le 14 juillet comme fête nationale ? Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille ? L'anniversaire d'une émeute populaire, ce sont essentiellement des gens du peuple de Paris, des ouvriers, des artisans du faubourg Saint-Antoine qui ont pris d'assaut la forteresse royale qui dominait de ses 8 tours de 24 mètres tout l'Est parisien. Les émeutiers de 1789 ont été stigmatisés, eux aussi, par un détail vestimentaire. On les nommait « sans culottes » pour les opposer aux nobles et aux ecclésiastiques qui portaient culottes pour y fixer leurs bas de soie. Les sans-culottes voulaient-ils renverser le roi Louis XVI ? Voulaient-ils instaurer une république ? Que nenni ! Ils cherchaient des fusils pour défendre les députés qui avaient juré le 20 juin 1789 de ne point se séparer avant d'avoir doté le royaume d'une constitution, pour ne plus vivre dans un pays dirigé par un homme seul qui concentrait tous les pouvoirs, pour en finir avec les inégalités et les privilèges. Car le peuple n'en pouvait plus d'être écrasé par des taxes et des impôts qui enrichissaient les gavés et les oisifs de la France d'en haut. Et ce 14 juillet 1789, les députés sont effectivement en grand danger. Une dizaine de régiments à la solde du roi montent vers la capitale, avec le noir dessein de nasser l'assemblée constituante à Versailles. Et soudain, le peuple de Paris, sans culotte, mais avec un incroyable culot, fait irruption sur la scène politique. Il forme une milice de 12 000 membres qu'il faut armer, tous à la Bastille. Non, il ne voulait pas la prendre, mais simplement se faire remettre les fusils de son arsenal. Le gouverneur de la forteresse, le marquis de Launay, aurait fait semblant de céder à la demande avant de faire tirer sur la foule. Le sang coule, ce qui décuple la fureur des assaillants. Ils réussissent l'impossible, prendre la Bastille, pourtant réputée imprenable. Et la tête du marquis de Launay fut l'une des premières à se balader dans Paris au bout d'une pique. Oui, le 14 juillet, c'était bien une émeute populaire, avec des pillages et des incendies. Et c'est pourtant cette date qui fut choisie en 1880 pour devenir notre fête nationale. Et ne me dites pas que ce choix s'imposait. Le calendrier offrait d'autres belles dates. Le 20 juin, par exemple, la date du serment du jeu de paume, ou le 4 août, pour évoquer cette nuit de 1789, où, mort de trouille, la noblesse et le clergé ont renoncé à leurs privilèges. Enfin, en théorie. Ou encore le 20 septembre, l'anniversaire de la bataille de Valmy. Ce jour de 1792, où les sans-culottes, mal armés, sans uniforme, ont sauvé la Révolution en mettant en déroute les armées des monarchies européennes venues à la rescousse de Louis XVI. Oui, elle aurait eu de la gueule. Une fête nationale célébrant la première victoire des va-nu-pieds, sans uniforme, armés de briques et de brocs, mais galvanisés par une volonté commune, face à des armées professionnelles et supérieures en nombre. les pères fondateurs de la Troisième République ont préféré comme fête nationale le 14 juillet, un jour de grand désordre incontrôlable. On a répété que, dans son carnet, le roi avait indiqué rien à la date du 14 juillet 1789. C'est inexact. Et pire, il n'a rien écrit. Pour Louis XVI, le 14 juillet n'a jamais existé. Comme quoi, à force de nier le réel, on finit par perdre la tête. Et comment notre République rend-elle hommage aux sans-culottes ? Par un défilé militaire. Pas un képi ne doit dépasser. Et les troupes défilent devant les représentants de la France d'en haut et des gavés de la planète. Née de la grande frousse de la Commune de Paris, la Troisième République a surtout voulu conjurer sa peur des foules en colère. Foules diffamées, méprisées, réprimées, mais jamais entendues de bon gré. Le 14 juillet, pour moi, ce n'est pas une célébration, c'est un exorcisme. Madame von der Leyen, qu'allez-vous dire aux plus de 500 millions de citoyens européens qui ne vous ont pas élu ? Quelle sera votre légitimité pour faire face à la crise climatique et à la crise des inégalités ? Allez-vous continuer à nous dire que les caisses sont vides, comme l'ont fait vos prédécesseurs ? Pourtant, de l'argent, pour nos services publics, comme pour la transition écologique, il y en a. Et il se trouve dans les paradis fiscaux. Plus de 800 milliards d'euros, c'est le chèque, ce chèque que vous faites chaque année, que l'Union européenne fait chaque année aux évadés fiscaux, aux Google, aux Amazon, à Bernard Arnault. Un chèque dont tous les citoyens européens payent le prix. Comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et ce paradis s'est trouvé une nouvelle présidente, vous, Madame von der Leyen. Pas un engagement, pas un mot, pas une once d'action à l'encontre des paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg ou comme Malte. Vous êtes leur candidate, Madame von der Leyen, pas la nôtre, pas celle des peuples européens. Aucun riche ne vous craint, aucun pauvre ne vous croit. Vous incarnez les raisons de la colère des peuples, pas la réponse à cette colère. Alors, Madame von der Leyen, regardez bien le ce chèque aux évadés fiscaux. Nous préférons le déchirer plutôt que de voter pour vous. Thank you.